Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 13. De l'élection des choses qui mènent à la fin. Nature de l'élection, son objet, liberté de l'homme. 1. L'élection est-elle un acte de la volonté ou de la raison? L'élection tient tout à la fois de la raison et de la volonté. Elle a, pour ainsi parler, une âme et un corps, comme l'être animé, et elle résulte de ces deux éléments. Il est évident que la raison précède de quelque façon la volonté et prépare son acte, en lui présentant un objet comme bon. L'élection, de cette manière, appartient formellement à la raison qui coordonne à une fin. Mais, comme elle se consomme par un mouvement de l'âme vers un bien choisi, elle appartient matériellement et substantiellement à la volonté, qui, comme puissance supérieure, détermine ce mouvement. Note. L'élection implique la perception de certains rapports, mais elle n'est pas cette perception, elle vient après. Fin de la note. 2. L'élection convient-elle aux animaux? Il y a cette différence entre l'appétit sensitif et la volonté que la nature a donnée à l'appétit sensitif des objets complètement déterminés, tandis que la volonté est indéterminée par rapport au bien particulier, quoiqu'elle ait reçu une détermination pour le bien en général. Il s'ensuit qu'il appartient à la volonté de choisir, et non à l'appétit sensitif, qui existe seul dans les animaux. Pour cette raison, l'élection, qui appartient à l'homme, ne leur convient pas. Note. Les animaux prennent une chose de préférence à une autre, mais ils la prennent sans élection. La sagacité ou la prudence que l'on attribue à quelques-uns d'entre eux résulte d'une inclination naturelle qui prouve la sagesse de leur auteur, mais tous ceux qui appartiennent à la même espèce opèrent toujours de la même manière, ce qui prouve qu'ils n'ont ni la raison, ni l'élection. Fin de la note. 3. L'élection porte-t-elle toujours sur les choses qui mènent à la fin? Et jamais sur la fin elle-même? Le philosophe a dit, la volonté porte sur la fin, et l'élection sur les moyens. Effectivement, la fin, considérée comme fin, n'est pas l'objet d'une élection, elle sert, au contraire, de principe à une sorte de démonstration pratique, dont l'élection est la dernière conséquence. Toutefois, comme ce qui joue le rôle de fin dans une opération peut être coordonné à une fin ultérieure, la fin qui sert de principe devient parfois l'objet d'une élection dans d'autres actions. Chez le médecin, par exemple, la santé n'est pas un objet d'élection, elle est la fin qu'il doit prendre pour point de départ. Mais, la santé du corps étant subordonnée au bien de l'âme, celui qui ne veille qu'au salut de l'âme peut choisir entre la maladie et la santé, suivant ce texte de l'apôtre, « Quand je suis infirme, je suis puissant. » 2 Corinthiens 12, 10. Quant à la fin dernière, elle n'est jamais l'objet de l'élection. Note. Le texte de saint Paul est applicable, croyons-nous, à l'humilité, mais, dans le sens physique où saint Thomas le prend, il sert à expliquer sa pensée. Fin de la note. 4. L'élection a-t-elle seulement pour objet ce que nous faisons nous-mêmes? L'élection a seulement pour objet les actes humains, car ce qui conduit à une fin est ou une action que nous faisons nous-mêmes, ou une chose extérieure dans laquelle nous devons intervenir, soit pour la rapporter à un but, soit pour en jouir. Note. Quand un homme préfère une chose à une autre, il y a toujours, dans son choix, une opération quelconque. Fin de la note. 5. L'élection n'a-t-elle pour objet que ce qui est possible? Nos élections, se rapportant toujours à nos propres actions, n'ont jamais pour objet une chose impossible. Nous choisissons un moyen pour arriver à une fin. Or, ce qui est impossible ne peut servir en rien à nos desseins. Il n'est pas un homme qui ne retourne en arrière lorsqu'il s'aperçoit que le moyen qu'il a choisi est impraticable. Personne ne veut l'impossible. Note. Si Saint Benoît, dans sa règle, dit que, quand un prélat ordonne l'impossible, il faut néanmoins essayer, il veut faire entendre qu'il n'appartient pas à l'inférieur de déterminer la possibilité d'une chose, mais qu'il doit en tout se soumettre au jugement de son supérieur. Fin de la note. 6. L'élection est-elle nécessité ou libre? Le philosophe a résolu cette question par ces mots. L'élection est l'œuvre d'un être raisonnable qui peut se porter vers des biens opposés. L'élection, en effet, n'est pas nécessité. Je puis, à mon gré, choisir ou ne pas choisir, je puis vouloir ou ne pas vouloir, je puis agir ou ne pas agir, vouloir ceci et non cela. La nature de mon esprit explique cette double puissance. Ma volonté peut se porter vers tout ce que ma raison saisit comme un bien. Or, ma raison peut saisir comme un bien non seulement que je veuille et que j'agisse, mais encore que je ne veuille pas et que je n'agisse pas. Pour ce qui est des biens particuliers, je puis, en considérant ce qu'ils ont ou ce qui leur manque, les percevoir comme devant être choisis ou rejetés. Il suit évidemment de là que nous choisissons librement. Note. Le bien universel est parfait, le seul que la raison ne puisse pas trouver défectueux par quelque endroit, aussi le choisit-elle nécessairement. Tout le monde veut être heureux, il n'y a pas d'élection à cet égard. L'élection ne porte que sur les biens particuliers, mais, si l'on propose à quelqu'un deux objets égaux, il peut considérer l'un sous une face qui le rend, à ses yeux, supérieur à l'autre, et sa volonté peut choisir celui-là de préférence à celui-ci. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.